Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107 FM et c'est un plaisir de vous revoir après ce week-end. J'espère que vous, chers auditeurs, avez passé un très bon et très beau week-end. En tout cas, c'était mon cas et on recommence la semaine sur les chapeaux de roue dans la bonne ambiance. En effet, comme je l'avais annoncé sur Facebook, je reçois ce soir Mag du Poterlaca, du bar-restaurant Poterlaca. Bonsoir Mag. Bonsoir Lou. Alors, d'après ce que j'ai compris, toi tu as un bar-restaurant qui a ouvert fin octobre à Saint-Amé, si je me trompe pas. Oui, c'est bien non, ça. C'est bon, je me suis pas trompée. Et voilà, et tu es là ce soir pour parler un petit peu de ton activité, de ce que tu organises, parce que ce n'est pas qu'un resto-bar. Et tu es là, oui, pour présenter ton activité, parce qu'après tout, c'est ça ce qu'on fait à Gémozo aussi, donner la parole aux acteurs locaux. Donc, eh bien, tu es là ce soir pour leur avenir. On en profite aussi, tant qu'à faire, pour saluer ton compagnon, vu que tu n'es pas seule dans ton activité. Exactement. Voilà, David, qui est au bar à cette heure. Voilà, donc bonsoir David, si tu nous écoutes. Et puis voilà, on est là, comme je le disais, pour leur avenir à présenter le Poterlaca à Saint-Amé. Alors, dis-moi, on va d'abord parler de toi, vu que ton commerce a ouvert fin octobre. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a mené en fait à ouvrir un commerce? Quel est ton parcours? En fait, moi, à la base, si tu veux, j'étais chauffeur routier. Pendant 15 ans, j'ai fait de la longue distance. Et puis, un beau jour, j'ai eu un accident de travail qui a fait que j'ai dû être licenciée pour raison de santé. Donc, j'ai dû me reclasser, tout simplement. Et mon conjoint, qui lui aussi était chauffeur, il a dit, écoute, si toi, tu dois changer de métier, c'est l'opportunité. Ben, moi, j'arrête aussi. Et on se lance dans une nouvelle aventure. Comme de toute façon, les week-ends, on allait régulièrement filer un coup de pouce à son oncle dans son bar-restaurant. On s'est dit, on se lance, on s'installe tous les deux. Et advienne que pourra, voilà. C'est comme ça que vous êtes lancé dans l'aventure. Tout à fait. Le Poterlaca, c'est votre premier établissement? Oui, c'est le premier. C'est notre premier bébé. Oui, votre premier bébé, votre première expérience en tant que patron. Oui. Et donc, oui, vous avez eu d'autres expériences en dehors de celle chez ton oncle? Non, l'oncle de mon conjoint, de David. Non, c'est pas grave. Ça a duré pour David pendant plusieurs années et pour moi, ça a duré 3 ans quand même. Et voilà, je pense que là, de toute façon, aujourd'hui, l'expérience, de toute façon, elle parle puisqu'on a fait notre trou. On est en train de faire notre trou là à Saint-Amé. On fait parler de nous, ça commence et voilà, tout ce qu'on veut, c'est que ça continue et que ça prenne encore de l'ampleur. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Et c'est ainsi que tu es arrivée à Saint-Amé au café-bar Le Poterlaca. Dis-moi, tu avais choisi spécifiquement de venir ici dans les Vosges ou tu es vosgienne d'origine? À l'origine, oui, je suis vosgienne, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand ce projet a démarré, on était dans le Lot-et-Garonne puisque David est originaire de là-bas. Et non, on n'était pas fixé sur une région en particulier. Ça s'est fait vraiment par le plus grand des hasards, c'est-à-dire qu'on était dans les Vosges pour voir la famille, pour voir ma famille en l'occurrence, au Tillot. Et machinalement, on regarde les petites annonces et on est tombé sur cette annonce-là et on n'est pas reparti. Et d'ailleurs, le Poter Lacasse, c'est vous qui avez choisi le nom, il était déjà là d'avant. Non, c'est nous qui avions choisi ce nom. Oh oh, mais dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, la fameuse question. Ça, tout le monde nous le demande, ou presque. En fait, les gens de Saint-Amé, donc les Stamésiens aujourd'hui, pour certains connaissent cette histoire, mais ça vient d'une vieille légende. Et donc, les gens, il y a encore 60, 65 ans à Saint-Amé, s'appelaient les Poter Lacasse. Ça veut dire lécheurs de peau. Peau, P-O-T-S. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'à l'époque, les gens étaient tellement pauvres que pour se nourrir, ils léchaient le fond des peaux. Ah, c'est comme les enfants qui mettent le doigt au fond du yaourt. Voilà, c'est ça. Sauf que là, c'était pas par gourmandise, c'était par nécessité. Oui, en effet, c'est comme ça. Oui, c'est un peu par esprit de patrimoine que ce nom a été trouvé. Parce que j'imagine que le patrimoine vosgien est quelque chose d'important pour toi. D'ailleurs, je pense qu'on va y revenir sur les grandes lignes de ton établissement. Ouais. Et oui, comme je le disais, ça a ouvert depuis fin octobre. Oui, c'est ça. On peut présenter un petit peu ton établissement sur ses capacités d'accueil et ce qu'il fait pour les auditeurs curieux. Alors, pour les curieux, donc on a quand même une belle capacité d'accueil. On peut recevoir une petite trentaine de personnes dans la salle à l'intérieur. On a encore une jolie terrasse exposée plein sud qui nous permet d'accueillir raisonnablement une quinzaine de personnes. Voilà. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on travaille principalement des produits frais. On essaye de travailler aussi des produits locaux. Donc on propose de la viande de dinde préparée par mes soins, marinée par mes soins, cuite à la façon kebab, voilà, et ça plaît beaucoup, c'est notre produit phare, voilà, on appelle le keb mag. Ah, tout simplement. Keb mag. Et ouais. Vous avez d'autres plats qui sont la spécialité du Poter Lacasse? Spécialité à proprement parler, non, peut-être pas, mais on fait des burgers déjà faits maison avec des bons steaks hachés d'une belle taille, façon bouchère toujours, hein. Voilà, avec des légumes frais, avec un bon pain, avec de bonnes frites coupées larges. Voilà, c'est croustillant, c'est fondant, c'est goûteux, c'est copieux, c'est généreux. Tous les clients reviennent, quand ils quittent notre table, ils se disent, oh, je suis repu, j'en peux plus, voilà, parce que mes assiettes, elles sont généreuses, elles me ressemblent, et les gens adorent, et ils reviennent pour ça. Ce que j'ai aussi ressenti dans ce que tu disais juste avant, c'est que ça a l'air d'être très important pour toi de travailler avec des produits locaux et frais. Ah oui, bien sûr, c'est très important. Je veux pas vendre n'importe quoi à mes clients. Je ne veux pas leur vendre des trucs qui ne sont pas forcément, ou du surgelé, des conserves, non, c'est pas, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Je vais prendre le temps de travailler des produits nobles. Des légumes, c'est noble. Je prends le temps le matin de d'éplucher mes carottes et de les râper, de couper mes oignons, mes tomates, etc. Ma viande, ça me prend du temps de la préparer pour le kebab. Mais voilà, la pâte à pizza, pareil, je la fais moi-même. C'est doux entre les doigts, la pâte à pizza. C'est très doux, on dirait la peau d'un bébé, voilà, c'est déjà nourrissant en soi. Donc ensuite, quelle récompense de voir les gens qui vous disent ouais, « c'est super bon, merci ». C'est une belle récompense, voilà. En effet, j'imagine, hein, d'après ce que je vois, tu travailles des produits de qualité pour faire des repas de qualité. Ouais. Et aussi, c'est vrai que ça, j'en ai pas trop parlé. Si, vous êtes deux dans l'équipe. Ouais. Et donc, toi, ta place au sein du Poter Lacasse, t'es plus à la cuisine, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis en préparation, cuisine, cuisson. Et donc, David, lui, il est au service, au bar et en salle. Et dis-moi, quand tu parles de service préparation, donc on parle de produits salés, donc je pense qu'on va peut-être un petit peu revenir sur le détail de ta carte courant de l'émission pour donner envie aux auditeurs de passer te faire un coucou. Oui, on a parlé de salé, et tu fais aussi, j'imagine, des sucrés, des desserts maison, ou tu collabores peut-être avec des artisans locaux? Non, pas tout à fait, parce qu'en fait mes assiettes sont tellement généreuses que les desserts, on en fait pas énormément, donc là c'est principalement des glaces. Voilà, on propose des glaces en dessert, et c'est vrai que en hiver plus, je préparais des petits gâteaux maison, des petits gâteaux yaourt, ou des petites touches comme ça que j'ajoutais sur mes cafés gourmands, des petits pains d'épices maison aussi, voilà, le vin chaud, etc. C'était aussi sympa en période de Noël, en période de fête. J'essaye d'adapter, voilà, en fonction de la saison, de la température qu'il fait. J'ai fait une salade de fruits dernièrement. Voilà, je travaille, je je travaille aussi en fonction de mes inspirations. Tes inspirations, les saisons, on va revenir aussi sur les saisons parce que ça m'a interpellée. C'est vrai que ça commence à revenir maintenant ces temps-ci de travailler vraiment avec des produits de saison. Mais oui, tu as dit tu travailles aussi avec des inspirations parce que tu as une carte fixe et tu as aussi une carte plus variable en fonction des jours. Non, pas du tout. Non, on travaille juste avec une carte fixe. Comme ça nous permet de mieux gérer nos stocks aussi. Parce qu'avec les produits frais, si j'ai trop de stocks, je veux pas gaspiller. Oui. Donc, je préfère rester sur une carte fixe, justement, pour limiter le gaspillage. Et d'ailleurs, c'est tout à fait louable. On reviendra sur ce point. Je pense que tu vois peut-être où je veux tout doucement en venir. Mais... Voilà, ça c'est Lou qui a un trou. Oui, je disais... Voilà, encore une fois, ça revient. C'est les choses qui arrivent, c'est les aléas du direct. Vu qu'on parlait... Oui, les inspirations, on parlait de la gestion des stocks, mais les inspirations, tu as quand même parlé d'inspiration. Après tout, je me rends quand même compte au fil de ce que je vois que les cuisiniers sont des artistes aussi. Alors toi, quelles sont tes inspirations à toi ? Moi, mes inspirations, c'est des fois, ça m'arrive au milieu de la nuit. Je me dis, tiens, je peux ajouter ça sur ma carte. Ou alors, en parlant avec les gens, spontanément, on me dit, tiens, tu proposes ce genre de choses ? Non, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Pourtant, c'est basique. Et finalement, je me dis, oui, effectivement, c'est un point sur lequel je dois réfléchir et que je vais peut-être pouvoir ajouter quelque part, d'une certaine manière, sur ma carte. Ou, simplement proposer une option sur un burger, le travailler un petit peu pour l'hiver. Ou alors, peut-être essayer de proposer une formule sucrée avec des fruits, ce genre de choses. Enfin, tu vois, ça tourne tout le temps là-haut. Voilà, la machine est en permanence en train de travailler. Le ciboulot toujours en fonction. Toujours en fonction, toujours à réfléchir, ouais. À proposer de nouvelles choses, ouais. pour tes clients, à t'adapter. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a interpellée ce que tu as dit. Tu travailles avec des produits de saison et tu as aussi des plats, d'après ce que j'ai compris, qui s'adaptent aux saisons et aux événements de l'année. Après, d'après ce que j'ai compris, oui, ton établissement n'a pas encore un an d'existence, mais tu as déjà fait pas mal de choses depuis l'ouverture, non ? Tu as déjà modifier un petit peu ta carte depuis l'ouverture. Oui, tout à fait. Oui, on a déjà modifié plusieurs fois la carte. Justement, bon, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas auprès des clients. On a des suggestions. On nous dit tiens, pourquoi vous proposez pas ça ou ça. On se dit oui, bon, pourquoi pas. Plus on a de demandes vers un produit en particulier, plus on va justement s'orienter vers ce point-là et essayer de voir ce qu'on peut proposer justement dans ce sens. Oui, parce que vous êtes vraiment à l'écoute de vos clients, oui. David et toi. Oui, bien sûr, mais c'est important d'écouter et d'entendre son client. L'écouter, c'est bien, mais l'entendre, c'est mieux. Oui, et j'imagine que ça fidélise la clientèle. Ah oui. Parce que oui, vous avez déjà commencé à avoir une certaine influence, une clientèle qui a déjà commencé à se fidéliser. Oui, on a déjà une belle clientèle fidèle. Oui, depuis presque 8 mois maintenant où on est ouvert. Ça revient régulièrement. On a des groupes qui reviennent, on a des gens qui sont contents, qui nous ramènent régulièrement des nouvelles personnes. Et oui, en plus, avec toutes les soirées à thème qu'on fait, ça nous ramène aussi de nouveaux clients. On viendra tout doucement à ces soirées à thème. On reste encore dans le domaine du culinaire, histoire de bien donner faim à nos auditeurs. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est l'heure, on va commencer à avoir faim nous aussi. Globalement, oui, tu as parlé de kebab, tu as parlé de burger. Quelles sont les grandes lignes de ta carte ? Alors les grandes lignes, c'est ça, c'est le kebab, le burger, les pizzas, les tartes flambées et l'entrecôte qui vient de Lorraine, c'est de la vache Lorraine, voilà. Et c'est des pièces de 300 grammes qu'on propose, qui sont de très très belle qualité, même très très cuites, même pour les rares clients qui nous demandent une entrecôte très très cuite, elle sera quand même fondante, ce ne sera pas de la semelle. Dis donc, oui. C'est important de le souligner pour nos auditeurs omnivores. Peu importe la cuisson. Les auditeurs me connaissent. Il en est quoi des végétariens ? Tu fais aussi des choses pour les végétariens ? Oui, tout à fait. Donc déjà, on a une pizza végétarienne. Voilà. Et puis, on a toujours aussi des crudités. On a des salades. Donc, il y a la salade aux chèvres chauds et miel. qui est fort sympathique. Et puis ensuite, je peux m'adapter. Je propose déjà une salade vosgienne sur ma carte et je peux très bien enlever des ingrédients. Les intolérants au gluten vont me demander sans les croûtons. Ben, y a pas de souci, je mets pas de croûtons. Je peux ajouter un ingrédient ou deux selon les clients. S'ils aiment plus ou moins certains produits, y a aucun problème. Je peux m'adapter. Oui, donc tu es vraiment totalement à l'écoute de tes clients. Bon, oui. Après, j'imagine que ce n'est pas pour rien qu'ils reviennent. À ce propos, c'est vrai que tu as dit, mince, voilà encore du grand loup, comme tu étais à l'écoute de tes clients, j'ai encore perdu ma question. c'est ça de prendre quelques notes, mais de ne pas noter de questions. Mais bon, les auditeurs sont habitués encore une fois. Mais c'est vrai que j'étais encore dans le végétarisme et le fait d'être flexible. Ah si, le fait, on se pose, du moins moi je me pose la question, mais je vis un petit peu toute seule dans mon coin, dans ma grotte, je ne fais pas spécialement partie d'un groupe de végétariens, mais toi tu peux peut-être me le dire en tant que professionnel, et je ne vais pas m'attarder très longtemps dessus, mais est-ce qu'il y a un certain engouement autour de, comment dire, d'un changement de régime alimentaire ? Un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. Je trouve pas que ce soit vraiment énorme. Peut-être que c'est notre clientèle aussi qui est un petit peu axée sur la viande, je sais pas. Après, on a quelques clients qui viennent là, qui sont végétariens. Mais justement, c'est des clients qui sont généralement, qui viennent parmi des groupes, des grands groupes. Oui. On me dit, bah, y a une personne qui est ou végétarienne ou intolérante au gluten. Alors à ce moment-là, oui, on va s'adapter. Oui, donc vraiment être à l'écoute et tu es aussi plus apte que moi à parler de l'évolution des tendances alimentaires humaines. Oui. Et par contre, on va surfer sur une tendance musicale, vu que tu as proposé plusieurs pauses musicales. Hein. Avant toute chose, le morceau Summertime Boy de Cystic Steve, je vais y arriver. Bref, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Turn right around, go to Baja, Mexico, do the first dance. Oh, yeah. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Summertime Boy de Sistixi Steve. Faut vraiment que j'y arrive. Hein. Et oui, toujours avec Mag du Potter Laca. Et si un auditeur a envie de réagir à l'émission, c'est sans aucun problème sur notre page Facebook Radio Gemozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40. Je me ferai un plaisir de faire passer vos messages en live. Hein. De toute façon, vous avez l'habitude. Et on est toujours avec toi, Mag, pour mettre en avant ton activité que tu as commencé fin octobre à Saint-Amé. Je pense la musique qui a été choisie n'est pas tout à fait anodine. C'est une musique un petit peu country, un petit peu dans l'ambiance. Ouais. Parce que si le Potter Laca fonctionne déjà pour ses bons petits plats, ce n'est pas que ça. C'est aussi pour sa bonne ambiance. Parce qu'après tout, vous organisez des concerts, vous faites des soirées à thème. D'ailleurs, bon, je le répéterai en fin d'émission, mais s'il y a des concerts à venir au Potter Laca que tu m'as annoncé, déjà, il y a David Vincent ce week-end, le 13 juillet. J'imagine aux alentours de 20h, non ? Oui, c'est ça. À partir de 20h, et comme c'est marqué sur les affiches, jusqu'à plus soif. En effet, jusqu'à plus soif. Et un autre concert, ce sera plutôt en août, ce sera les Salopettes Acoustiques en concert le 3 août chez toi. C'est les deux concerts annoncés. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à annoncer. Si, le 3 août, on aura ceux de la Mouffe. Voilà, donc ensuite on aura, c'est en octobre, si je ne m'abuse, on aura un duo Bonnet Hard Mohan. Donc avec un Nancéen et un Écossais qui vont nous faire un petit duo un petit peu folk, voilà comme ça, bien sympa. Et début novembre, pour fêter le premier anniversaire du Potter Laca, on va accueillir le groupe qui s'appelle La Petite Sœur. Voilà, qu'on a déjà reçu en mai, et puis on va remettre ça, parce que ça s'était super bien passé, on va remettre ça donc le 2 novembre. Pour le concert anniversaire du Potter Laca. Ah bah ça va se fêter, hein, oui. Ce sera de toute façon annoncé, tu sais, enfin, les auditeurs sont habitués aussi pour le billet de sortie. Exactement. Et d'ailleurs, dis-moi, hein, forcément, vous organisez des concerts, mais j'imagine qu'il y a un certain choix dans les artistes, j'imagine que c'est pas demain qu'on trouvera un quatuor à cordes dans ton établissement. Non, à moins qu'ils fassent des reprises de Nirvana ou de la CDC, mais non. Non, ça sera pas. Non, c'est pas le style du tout, quoi. Voilà, c'est. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge et voilà, que ce soit fun. Voilà, le style, voilà. C'est plutôt festif, plutôt. Rock'n'roll, voilà, c'est country, folk, voilà, c'est un peu ce style qu'on aime. Parce qu'après tout, c'est l'ambiance de ton établissement. Après tout, vous organisez des concerts et vous en faites d'autres choses. Hein. Après tout, il y a un bar-restaurant et qui dit bar d'art dit. Alors, pas forcément jusqu'à plus soif, mais bonne ambiance voilà. en tout cas. Ça, c'est l'esprit qui est en train de se répandre dans les différents établissements. Du moins, moi, je m'en rends compte avec parce que tu es la deuxième patronne d'établissement que je reçois. Mais les auditeurs écouteront plutôt plus tard l'autre émission que j'aurais faite avec Aurélie Barre. D'ailleurs, si tu nous écoutes, je te passe un gros coucou. Et oui, donc parce que l'ambiance, c'est quelque chose de plutôt important pour toi, j'imagine. Ah oui, c'est très important, évidemment. Les gens, plus ils vont s'amuser chez nous, automatiquement, mais plus ils vont parler de nous, et plus ils auront envie de revenir et d'emmener d'autres amis. Donc automatiquement, c'est important pour nous. Nous, ça nous permet en même temps de passer des soirées mémorables. Oui, de passer du bon temps au sein de son travail. Bien c'est sûr. Quelque chose d'important de prendre du plaisir Bien dans sûr. Son travail. Ah oui, c'est primordial. Mais cette question peut sembler superflue, mais j'imagine qu'aussi le fait de créer cette bonne ambiance, c'est quelque chose de plutôt naturel ou qui va de soi, pas besoin de se forcer comme, je sais pas, dans certains emplois. Je connais pas beaucoup d'emplois où on est obligé de se forcer pour faire une bonne ambiance, mais où il faut faire des choses qui vont contre sa propre nature. Oui, non, pour nous c'est complètement naturel, quoi. On est bon vivant naturellement, donc on n'a pas besoin de forcer. On n'a pas besoin de se forcer là-dessus. Donc c'est ce que vous transmettez, David et toi, le plus naturellement du monde à vos clients. Et pour faire une bonne ambiance, hein, il faut en faire des choses. Il faut faire déjà des concerts. D'après ce que j'ai compris, il y a des soirées à thème aussi. Enfin, je me souviens de la soirée à thème pour la fête de la musique, une soirée moule frites, c'est ça ? Déjà, oui. Ça s'était bien passé ? Ah oui, très bien, très bien. Mais c'était une soirée moule frites, mais avec un karaoké. Ah oui ? Oui. Ben, on fait des karaokés une fois par mois pour l'instant. Et par contre, à partir du mois de septembre, on a tellement eu de demandes que du coup, on va en faire deux par mois. Ah bah c'est une bonne chose. Et oui, parce que les gens adorent venir chanter. Voilà. C'est toujours un régal parce que il y a, pareil, il y en a une ambiance mais terrible. C'est une bande de copains qui se retrouvent dans le bar et voilà, et ça chante, ça danse, ça rit, ça, voilà, c'est festif, c'est génial. C'est en effet génial, hein, des ambiances comme ça, vu qu'après tout, ça, comment dire, ça, bah, ça contribue à la bonne réputation de l'établissement, parce que c'est quelque chose aussi de très important. Oui. Oui, et donc, y a d'autres soirées à thème qui ont été organisées ou qui sont prévues, mis à part des soirées karaoké ou fêtes de la musique ou... Voilà. Après, voilà, il y aura toujours ces deux soirées karaoké par mois à partir de septembre, plus les concerts régulièrement. Quand l'hiver va arriver, on va essayer de proposer des soirées choucroute, des soirées cassoulet, puisque monsieur vient du sud-ouest. Donc, voilà, on va essayer de proposer aussi ce genre de choses. C'est vrai que s'il peut y avoir une animation au Potter Laca chaque week-end, ça peut être bien, quoi. Donc, mais ça s'organise, tout ça. Donc là, le prochain karaoké, le 10 août, on va faire un barbecue, par exemple. Ah, c'est sympa. Eh oui, c'est sympa. Il faut bien faire un barbecue au moins une fois dans l'été. En effet, tu as entièrement raison. Et quand on parle de soirée à thème, alors on peut parler de soirées à thème qui sont ouvertes au public. Est-ce qu'il est possible pour, je ne sais pas, des auditeurs un petit peu plus curieux, de privatiser le Potter Laca pour un événement, un anniversaire, une soirée, je sais pas, dans le meilleur des cas, un mariage, quelque chose comme ça? Oui, c'est tout à fait possible. Après, on n'a pas une très très grande capacité d'accueil, effectivement, pour un mariage, mais pour un anniversaire, une soirée, juste un groupe qui a envie de faire la fête un vendredi soir, un samedi soir, il n'y a aucun souci. Ça se prépare, voilà, il suffit de prendre contact avec nous, de passer nous voir, on en discute, on met en place un menu unique pour le groupe, c'est beaucoup plus pratique pour nous, parce qu'on n'est que deux aussi, hein, donc voilà, mais bien sûr, tout est faisable, tout est envisageable, et puis de toute façon, pour ceux qui connaissent déjà le Potter Laca, on n'a pas des tarifs non plus de dingue, hein. On est très correct au niveau prix, donc vous inquiétez pas pour ça, hein. c'est toujours une bonne soirée, les gens sont toujours ravis quand ils font ce genre de choses chez nous. Tu viens d'ailleurs de me devancer dans une question, dans une des questions que je comptais te poser. En effet, il en est quoi des questions prix? Donc tu as dit que c'est plutôt abordable, j'imagine que ça va aussi de soi avec des produits locaux et frais, enfin qu'il s'agit de circuits courts et dans un établissement qui se veut plutôt convivial, donc oui, dans une fourchette de prix, si on peut donner peut-être une approximation aux auditeurs. Un plat sur place, ça va être entre 10 et 16 euros. Oui, donc c'est plutôt raisonnable. En plus, voilà, comme tu as dit, pour la majeure partie des clients, ils s'en vont en roulant plutôt qu'en marchant, d'après ce que c'est j'ai ça. Compris. Du moins, vous en faites pas. C'est aussi mon cas quand je sors d'un buffet à volonté chinois. Faut pas s'inquiéter. Tout le monde est pareil. Et je sais plus trop où j'en suis. Si on a parlé des capacités d'accueil, non, on n'a pas parlé de comment te trouver. Parce qu'après tout, c'est vrai que c'est bien de savoir ce que tu fais, mais savoir comment aller chez toi. Ah, comment aller chez moi? Alors, chez moi, c'est pas compliqué. Saint-Amé, tout le monde connaît plus ou moins le dépôt Péduzy. Oui. Alors, c'est quand même une entité à Saint-Amé, mais on est juste à côté. Il suffit de prendre la direction de Pécavillé et vous tombez sur nous. Voilà, tout simplement, Lou. Tout simplement, et c'est tout simplement aussi qu'on va se passer une deuxième pause musicale. In Hell, I'll Be in Good Company de The Dead South. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Thank you. knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM. À l'instant, vous avez écouté In Hell I'll Be In Good Company, donc littéralement en enfer, je serai en bonne compagnie du groupe The Dead South. Vu qu'après tout, nous sommes en bonne compagnie ce soir avec Mag d'Hypothère Laca. Et si un auditeur a envie de réagir à l'émission, comme d'habitude, hein, sur la page Facebook Radio Gamozo ou au 03 29 62 40 40, appelez, il n'y a pas de problème. Ils n'osent pas, ils sont timides. Ah, peut-être. Ouais, hein. C'est ça. Il faut continuer à leur donner envie voilà. En mettant en avant ton établissement. Voilà. Et oui, parce que, comment dire, quand on a un établissement comme ça, on est, j'imagine, proche du client. Et d'après ce que tu as dit, il y a des possibilités de privatiser ta salle, enfin ton établissement pour des soirées à thème ou des soirées entre personnes. Oui. Et tu m'avais aussi dit, hors antenne, pas que je me trompe de nom, vu que je pensais hors format, hein, Mika, si tu nous écoutes, coucou. Donc, hors antenne, tu m'as dit aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui venaient, donc j'imagine que c'est important aussi la proximité avec tout le tissu local, donc pas que les clients, mais des associations ou d'autres, des entreprises peut-être. Oui, voilà, bah, justement, des associations du village qui viennent régulièrement, comme là en ce moment, c'est la fin de la saison pour tout ce qui est associations sportives. Et elles aiment bien faire un petit repas en fin d'année, comme ça. Et justement, comme on est nouveau sur la commune, ben, ils essayent de nous faire travailler un petit peu. Donc, ils viennent nous rencontrer. Est-ce que c'est possible? Et à quel tarif? Et tatata. Et donc, voilà. Du coup, on fait des repas de groupe, 10, 15, 20 personnes. Ça dépend de la demande. Ça dépend de l'association. Ça dépend des disponibilités aussi des membres de l'association. Bien sûr. Et puis, quand ils repartent, ils sont ravis. C'est des nouveaux Stamésiens qui découvrent le Pothère Laca qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Du coup, ça continue à nous faire connaître un petit peu. Et c'est que du bonheur. Parce que les gens sont ravis. Ils repartent. Ils sont repus. Et voilà. Oui, et après tout, il y a plein de manières de vous faire connaître aussi. Hein. De toute façon, je rappellerai en fin d'émission. Mais il y a déjà votre Facebook, Le Pothère Laca, tout simplement, L-E-P-O-T-E-R-L-A-C-A-T. Oui. Ou sinon, votre site internet, donc https://lepothèrelaca88.eatbu.com. Ou sinon... Il n'y a pas beaucoup d'informations pour l'instant sur le site internet. Non, mais ça reste toujours une base. Mais c'est vrai que votre page Facebook semble... plus fournie. Oui. Puis après tout, bon. C'est plus facile. On passe beaucoup par Facebook de nos jours, hein, bah, même la radio, hein, après oui, tout. Oui, aussi. On est très actifs aussi sur la page Facebook, parce qu'après tout, hein, c'est toujours possible bah, d'en savoir plus sur toi, de voir aussi comment ça se passe au niveau de l'ambiance. D'après ce que j'ai vu, il y a des vidéos de soirées que tu mets pour que les potentiels clients voient comment ça se passe chez toi. Ah, et... Oui, tout à fait. Il y a des échantillons d'ambiance mémorables aussi hein, sur notre page Facebook. Ah, j'imagine. J'ai pas eu le temps de tout écumer parce qu'il bah, vous en avez fait quand même des choses depuis que vous êtes là, vous êtes plutôt actif et c'est très bien de le souligner. Et en parlant de ça, leur activité ou affluence et comment ça fonctionne, alors d'après ce que j'ai compris, il y a la commune de Saint-Amé qui a bientôt des travaux, qui va continuer à relancer le tourisme, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait il va y avoir une piste cyclable qui va passer devant notre établissement et qui va rejoindre la voie verte, donc du coup bah, ça va permettre à pas mal de cyclistes de passer en toute quiétude devant chez nous, et puis ça permettra aussi aux automobilistes de ralentir un petit peu. Oui, bah c'est important de préciser ça. Voilà, oui. Et du coup, ils auront plus facile de s'arrêter. En effet, hein, ils auront plus facile de s'arrêter pour au moins boire un petit coup si jamais il fait trop chaud, ou pour passer une bonne soirée s'ils sont en quête de bonne ambiance. Et d'ailleurs, dis-moi, il y a une question, je crois que tu es la première restauratrice que je reçois, et j'aime bien aussi confronter ce que je vois et ce que je pense croire avec la réalité du terrain. Alors, je ne sais pas si tu peux beaucoup me renseigner, mais on ne va pas donner le nom, mais on connaît très bien une émission qui passe à la télé et qui dépeint soi-disant la réalité du terrain sur le monde de la restauration. Est-ce que ça colle à la réalité? Est-ce que c'est vraiment un univers tellement difficile dans lequel il faut vraiment mettre toute son âme, toute sa passion? Il faut s'investir personnellement, oui, ça c'est certain. Mais après, c'est la plupart des métiers maintenant, c'est comme ça. Surtout quand on s'installe à son compte, qu'on est son propre patron, oui, forcément. Il faut s'investir, il faut donner de sa personne. Ça, c'est une certitude. Oui. Mais je sais pas s'il y a un mais, en fait, dans tes propos. En fait, bon, ce qu'on peut voir quelquefois aussi, ça dépend de à quelle émission tu penses. Un certain chef du Sud-Ouest. Normalement, je n'ai pas le droit de le dire à l'antenne, mais les auditeurs savent très bien de quoi je parle. C'est lui qui vient au secours de certains restaurateurs. Exactement. D'accord. Alors, c'est vrai que dans cette émission, on voit certaines cuisines dans des états pas possibles. Moi, ça m'écœure quand je vois ça, mais moi, chez moi, ce n'est pas comme ça. Heureusement. Après, dans les autres cuisines, j'ai jamais vu ça non plus. C'est peut-être exagéré, j'en sais rien. Moi, en tout cas, ça ressemble pas à ma réalité. Voilà. Ta réalité, parce que d'ailleurs, c'est vrai que on en a parlé juste avant. Tu étais chauffeur routier avant. Oui. Maintenant, tu es devenu. Tu es devenu cuisinière, littéralement. Oui. Mis à part. Enfin, tu me l'as dit, l'hygiène, c'est quelque chose d'important. Tu as suivi des formations particulières pour accéder à ce métier? Oui, bien sûr, il y a des formations obligatoires rapport à l'hygiène, justement, pour un minimum d'hygiène, justement. C'est logique, je trouve, et en même temps, c'est très nourrissant de passe-moi l'expression, moi, mais de s'imprégner de toutes ces ressources-là, toutes ces informations, justement, par rapport aux règles d'hygiène, parce qu'il y a énormément de choses, c'est primordial, en fait. C'est primordial, c'est pour la santé et la sécurité de nos clients. Donc oui, c'est normal de se former et de respecter les règles de base. Et d'ailleurs, j'imagine, tu vas peut-être me dire si je me trompe, mais peut-être que travailler dans un cadre propre et sain, ça peut aussi contribuer à la motivation pour l'investissement dans son travail. Ah oui, bien sûr, c'est important. C'est comme celui qui travaille dans un atelier où c'est le fourbi, bon, bah, il n'aura pas envie de faire du bon travail. Oui. C'est logique. Voilà. Imagine-toi si tu avais du désordre au milieu de tous tes disques, tu n'aurais pas envie de travailler dans un univers hasardeux. En effet, ce serait un petit peu plus compliqué, mais en ce qui me concerne, je suis un petit peu bordélique, donc je ne suis pas spécialement le plus grand exemple de l'univers. Mais non, après, je comprends que d'être dans un cadre sain, c'est plus motivant. Mais Oui, dans un cadre sain et dans un cadre avec une bonne ambiance, hein, parce que tu l'as bien dit, l'ambiance c'est quelque chose de très important. Oui. Alors on va peut-être se passer une troisième pause musicale, peut-être pas la dernière, on verra, mais une troisième pause musicale pour bien se mettre dans l'ambiance, avec un morceau que tu as encore choisi. Donc c'est Marie Basse du groupe Les Amis Taf. Oui, c'est ça. Parce que c'est bientôt l'heure de l'apéro. Donc En effet, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Donc, on met les auditeurs en bouche avec ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Je ne sais pas pour vous, mais pour ce qui est de moi, faudrait que je boive un coup. Tout n'importe quoi, ça fera bien l'affaire. À force de chanter, de hurler et de braire, j'ai besoin de picoler, mais qu'on ne me serve pas du jus de fruits ou de la flotte, surtout pas un coca. Je tiens trop à ma glotte, patrouille à mer immense, fais-moi voir la petite sœur. J'ai le gosier qui se lance de tout ce qu'elle horreur. Un bon demi bien frais pour y mettre du goût, le picon y a que ça te ferait. Et c'était le morceau Marée Basse du groupe Les Amis de ta femme. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107 FM. De toute façon, vous le voyez bien à l'heure qu'il est, tout simplement. Et si un auditeur a envie de réagir à l'émission, c'est sans aucun problème, comme d'habitude, sur la page Facebook Radio Gémozo ou sur par téléphone 03 29 62 40 40. Et je me ferai un plaisir de transmettre vos messages à l'antenne sans aucun problème. Enfin voilà, parce que je suis toujours avec Mag du Potterlac à Saint-Amé. Et bon, je pense que vous l'avez bien compris avec la chanson qu'on a écoutée. Hein. Au Potterlac, c'est important aussi de bien s'amuser avec... c'est littéralement, oui, c'est des chansons qui mettent l'ambiance. C'est les chansons à boire, ça met l'ambiance et les gens adorent. Les gens adorent et ils en redemandent, donc voilà, on leur en donne, on leur en offre et ils reviennent. Donc ça, c'est que du bonheur, quoi. Oui, parce que, bon, il y a des chansons à boire. Oui. Je ne sais pas si on aura le temps, mais il y a une chanson qui se danse aussi, donc c'est aussi possible de danser chez toi. Oui, bien sûr, il y a toujours possibilité de danser. On est là pour que les gens s'amusent, on est là pour ça, quoi. C'est des grands moments de partage et de bonheur, justement, entre les clients, entre eux, mais aussi avec nous. Et quand il s'agit de danser, de faire les guignols, on n'est jamais les derniers de toute façon. Donc voilà. Oui, mais comme tu le disais, hein, c'est important de... Alors, pas forcément de s'adapter à sa clientèle, de l'écouter, oui. et de contribuer à une bonne ambiance pour continuer à la fidéliser. Et pour continuer à la fidéliser, c'est important. Après tout, ton établissement n'a pas encore un an d'existence. Oui. On a parlé des différents concerts qu'on rappellera avant la fin de l'émission, comme ta page Facebook et peut-être le numéro pour si quelqu'un veut avoir plus d'informations. Oui. Mais dis-moi, est-ce que vous avez jusque-là des projets ? Les projets les plus proches, c'est justement de continuer à étoffer un petit peu notre clientèle, de se faire connaître un peu plus, forcément. Hein, plus on se fera connaître et mieux ce sera. Hein. D'un autre côté, ce qu'on aimerait pouvoir faire aussi, c'est un aménagement au niveau de la terrasse, parce qu'elle est très bien exposée, elle est exposée plein sud. Mais lorsqu'il pleut ou qu'il y a du vent ou qu'il fait trop chaud, elle n'est pas forcément utilisable. Donc on veut l'abriter. Et pouvoir y installer aussi, pas forcément un système de climatisation, mais un système de rafraîchisseur, brumisateur. Oui. Voilà, et peut-être un petit parasol chauffant pour l'hiver, pourquoi pas. Ah bah oui, donc, pourquoi pas. Voilà, ça fait partie des projets, donc si on peut mettre ça en place prochainement, tant mieux. Si c'est pas pour l'instant, si c'est pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour l'année prochaine, mais ça fait partie de nos projets. Voilà, et on aimerait pouvoir faire ça rapidement. Oui, en effet, de toute façon, plus les choses vont aller dans le bon sens, plus ça va vous permettre de vous développer. Et d'ailleurs, dis-moi, tu as parlé de se faire connaître. Quels sont jusque-là les moyens que tu as eus pour te faire connaître ? Parce que, d'après ce que j'ai compris, tu es un peu excentré. Est-ce que la signalétique dans la ville est bien faite ? Pour nous, il n'y en a pas. Pas pour l'instant. C'est un investissement qu'on va devoir envisager prochainement. Là aussi, voilà. Sinon, on se fait connaître par notre page Facebook, qui fonctionne bien pour l'instant. On est suivi par presque 200 personnes maintenant. Ah oui. Donc oui, je suis plutôt contente parce que c'est positif et ça continue de prendre de l'ampleur. Donc tant mieux. Voilà. Après, le bouche à oreille, c'est la meilleure des pubs à l'heure actuelle. Hein, les gens qui viennent et qui disent ouais, nous j'ai entendu parler de vous, justement, c'est telle personne qui nous a dit tu peux aller manger là, tu verras, c'est très bon. Voilà, c'est hyper bénéfique. Ensuite, on a mis en place une banderole à l'extérieur pour annoncer toutes nos manifestations, que ce soit les karaokés ou les concerts. Comme ça, les gens qui passent devant, ils peuvent voir justement, vendredi, il y a David Vincent. Ok, on va y aller. Hein, puis comme c'est la veille du 14 juillet, c'est bien, c'est fête, hein, donc... On y va. Ah, d'ailleurs, j'y pense, j'ai pas trop posé la question. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour le concert ? Non, il n'y a pas de prix d'entrée chez nous. Ah ! Non. Non, on n'a pas de billetterie, on est débit de boisson. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. D'accord. Après c'est la question rituelle, bien entendu, qui servira aussi pour le billet de sortie. Les auditeurs sont habitués encore une fois. Et en parlant de ça, encore une fois, les concerts à venir, donc déjà ce vendredi 13 juillet, David Vincent à 20h chez toi, donc au Potterlac à Saint-Amé. Oui. Puis les Salopettes acoustiques en concert le 3 août chez toi, avec ceux de la MOUF, si j'ai bien noté. Oui, c'est ça. Et, Le 31 août. Puis en octobre, tu aurais Bonnéard Moane. Moane. Voilà, Voilà, ça c'est quand on ne connaît pas, on essaie d'écrire en phonétique. Et d'après ce que j'ai compris, pour les 1 an du bar, le 2 novembre, tu recevras le groupe La Petite Sœur, oui. Qui sont passés il n'y a pas très longtemps, c'est ça? Ils et sont avec passés, qui oui, le week-end de la Pentecôte, ils sont passés chez nous. Ah oui, ouais. Puis ça avait plutôt bien matché. Ah oui, oui, oui. Ah oui, très bien même. D'ailleurs, j'imagine que les concerts jusque-là, vous en avez fait beaucoup? Jusque-là, on en a fait 2, si je ne m'abuse. Oui. Et là, ça va être le 3e. Donc, jusque-là, est-ce que tu as déjà vu une différence d'affluence pour les concerts, si ça fait venir plus de monde? Oui, là, le dernier, oui, on avait beaucoup plus de monde que le premier. Le premier avait déjà très bien fonctionné. Oui. Et là, on avait quand même plus de monde. En même temps, c'était la belle saison. Au mois de mars, pour la Saint-Patrick, la météo était moins bonne. Donc, du coup, c'était centré à l'intérieur. Là, au mois de mai, ça circulait dedans, dehors, les portes étaient ouvertes, voilà. C'était, du coup, ça nous a permis d'accueillir beaucoup plus de monde. Et c'était qui pour le dernier concert au mois de mai? Eh bien, justement, il y avait La Petite Sœur. Ah ben oui, c'est vrai, quelle onde, oui. Et on avait deux membres du groupe, les Raymond. Les Raymond, oui. Que je ne connais pas non plus, mais c'est pas grave. Un auditeur pourra toujours m'envoyer un petit message pour me dire qui c'est. Et oui, je vois tout doucement l'heure qui tourne. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres axes qu'il faut peut-être mettre en avant pour ton établissement, hein, qu'on ait quand même donné toutes les informations nécessaires aux auditeurs. Et je réfléchis un petit peu. Et peut-être que... je réfléchis de mon côté aussi, mais là, je pense qu'on a bien fait le tour de la question, déjà. Bah écoute, si on a peut-être fait le tour de la question, on va se passer un dernier morceau qui te faisait quand même beaucoup plaisir, oui. De passer. Un autre morceau de boisson, toujours du même groupe, Les Amis de ta femme, oui. Toujours pour se mettre dans l'ambiance, voilà. Hein, pour montrer à quel point il y a l'ambiance chez Mag et David au Poterlaca à Saint-Amé. Alors tu sais quoi, on s'écoute le Hoche-Cu. Et on va danser le Hoche-Cu, Lou. Allez hop, on va le danser à l'antenne et on se retrouve juste après cette danse sur Radio Gamozo. La dernière leçon. Pour bien lancer le hoche-cu, il convient de se tenir debout, les jambes écartées, les genoux légèrement fléchis, les mains tendues vers l'avant. Sur le rythme de la musique, il s'agira ensuite d'imprimer à votre bassin un mouvement de translation latérale de gauche à droite, puis de droite à gauche. Mais attention, sans jamais bouger les genoux, car sinon cela deviendrait du twist. Démonstration. Les plus gros, ouais, je suis pas gros, moi. Si t'es gros. frère, il fait ça, bah, il a jonglé. Celui qui est gendarme? Ouais. Bien fait. C'est nul. C'est à chier partout. Allez, maintenant, spécial dédicace à tous les fils de Tupu. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et tout doucement, l'émission touche à sa forme. À l'instant, vous avez écouté le morceau Le Hoche-Cul du groupe Les Amis de ta femme. Donc toujours pour se mettre dans l'ambiance, hein. Une chanson qui fait danser. Et oui, comme promis, on a dansé dans les studios d'ailleurs. Lou a dansé. Et ouais. Et d'ailleurs, t'es la première de mes invités à me faire danser dans génial. Les studios. Voilà, comme quoi il y a une première ça fois fait plaisir. Tout. Ça fait plaisir. Oui, et si un auditeur a envie de réagir à l'émission, de se mettre dans l'ambiance avec nous, il n'y a aucun problème. Hein, toujours au 03 29 62 40 40, même si le temps va commencer à manquer. Ou toujours sur Facebook, hein, sur notre page Radio Guémouzo. N'hésitez pas à réagir sans aucun problème, ou même par SMS pour ceux qui ont mon numéro. Mais, mais voilà, enfin... Comme d'habitude, les auditeurs sont habitués, je le répète, je radote quand même à mon âge, c'est quand même navrant. Bref, donc on est toujours avec toi Mag pour ton bar Le Potter Laca et on va finir par donner les dernières informations qu'on en sait. Donc toujours ta page Facebook Le Potter Laca, le site internet, tu veux qu'on le donne ? Bon, c'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas franchement d'informations pertinentes à l'heure actuelle. Oui, bah écoute, tant qu'à faire, hein, pourquoi pas. Mais il y a quand même le numéro de téléphone qui, oui, lui, est utile. Donc, c'est le 03 29 22 21 54, où il y a possibilité d'avoir des renseignements, de réserver, enfin voilà. Mais sur la page Facebook, il y a quand même pas mal d'informations et pas mal d'aperçus de bonnes soirées, d'ambiance, vu qu'une bonne soirée, vous allez en passer une ce vendredi 13 juillet avec David Vincent. Oui. Donc, comme je le répète, hein, l'entrée au concert est gratuite. Ce sera juste les consommations qui ne sont pas gratuites. Bon, forcément, ça va de soi. C'est logique. Voilà, après tout, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Ça, ça c'est vrai. Les auditeurs ont aussi l'habitude de l'entendre. Faudra un peu que je change de disque, oui, moi. Hein, oui, tiens. Oui. Et voilà, je ne sais pas si on a d'autres choses à dire, mais toujours, hein, ton bar, resto, là où tu es encore très ouverte aux demandes de tes clients, oui, là où tu sais aussi t'adapter, te renouveler, rajouter de nouvelles choses. Je ne sais pas si on a autre chose à rajouter, mis à part le concert des Salopettes Acoustiques le 3 août, que je rappellerai, et puis les autres aussi, hein, que je rappellerai. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire ? On peut peut-être repréciser l'emplacement exact du Potter Laca. Tu as entièrement raison. Voilà, parce que les gens, il ne faut pas qu'ils oublient, c'est derrière le dépôt Péduzy, en allant sur Pécavillé, 14 rue de la Gare, à Saint-Amé. Et voilà, donc là, on a toutes les informations nécessaires pour te trouver, pour passer une très belle soirée. Mais ah, qu'est-ce que j'entends ? Ça y est, il y a le générique qui pointe le bout de son nez. Donc, c'est déjà l'heure de faire la programmation de la soirée. Donc à partir de 20h, ce sera François qui sera à l'antenne pour le calendrier des esclavages et des libérations, suivi de minuit à 1h la rediffusion de la Bulle de Lia qui a ce midi reçu une auteure, hein, pour le Torrent d'Axel. C'est un roman, mais je vous en dis pas plus, vous écouterez la rediffusion. Et en parlant de rediffusion, et bien l'émission que vous avez écoutée à l'instant sera rediffusée demain matin de 7h à 8h, et pour les petits curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera déjà mise ce soir sur notre site internet radioguémouzo.eu, rubrique L'Heure des Loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Guémouzo, aisément écoutable, téléchargeable même sur les smartphones, peu importe le système d'exploitation, ça marche, il n'y a pas de souci. Et donc demain matin, après l'émission que vous avez écoutée, ce sera les minutes bonheur de l'IA. Et puis après, la journée continuera. Et on se retrouvera demain soir, pas que je me trompe, 18h-19h pour changer d'ambiance, toujours dans la musique, mais cette fois dans la musique classique. On aura à l'antenne Sébastien Hurteau pour les Nancyphonies, un violoncelliste qui fait un concert jeudi 12, donc à Nancy. Mais vous savez aussi, les Nancyphonies, j'ai déjà fait une première émission à ce sujet avec Mika. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à rajouter. Je pense que c'est tout bon. Mis à part, eh bien, merci beaucoup Mag pour ta présence, ton temps et ta bonne humeur. Merci après à toi, tout. Lou. C'est toujours plus convivial de faire une émission quand on est deux à être de bonne humeur. Alors, c'est sûr. Encore merci. C'était vraiment sympa. Et merci à toi d'avoir pour ton fait accueil. Danser. Avec plaisir. Et oui, donc mis à part ça, oui, les liens de ton site internet, de ta page Facebook oui. seront tagués, ça aussi c'est habituel dans l'heure des loups, enfin bref, je te retiens pas plus longtemps, je retiens pas plus longtemps les auditeurs pour qui ça va être tout doucement l'heure de manger, donc encore merci beaucoup pour votre attention, pour vos retours, hein, vu que j'en ai quand même de temps en temps, quel qu'il soit. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve demain, même heure, sur Radio Gémozo. Bonne soirée à tous. Bonsoir.